sape pa che fare. Caro però mi sono il palavo. Hi, Anon. Nice to meet you. Du replanchon. Ouais, j'ai mangé pire, j'ai mangé un steak. Bon, tu la joues ou tu la joues pas? Parce que moi, ma soupe est chaude. Ok, on double l'intro, s'il te plaît. J'ai un bug. On l'a chanté dans les rues, sous le ciel inconnu, dans toute la France. On la croyait oubliée et pour mieux nous aimer, voilà qu'elle recommence. Voilà, c'était comment ?